J'ai passé 24 heures avec elle, en ouaté et un peu poqué de la veille. Mais il faut pas ternir le rêve qui se réalise. De bons souvenirs me gonflent le cœur, comme quand j'étais couché sur son divan. Et qu'elle m'offrit le confort de son lit avec elle dedans. Elle dedans. Excuse-moi, mes pantalons sont sales. Je suis tombé, hier j'étais trop ivre. L'après-midi passa lentement. Pour moi, je dirais plutôt oniriquement. Et je voulais la garder près de moi. Près de moi. Une aventure voit venir sa fin. Un peu prestement comme un manège. De 3 minutes après une heure d'attente, mais ça en vaut la peine. Excuse-moi, j'ai besoin d'un verre d'eau pour sauver ce qui me reste de cerveau. J'ai passé 24 heures avec elle, en ouaté et un peu poqué de la veille. Mais il faut pas ternir le rêve qui se réalise. Non, il faut pas ternir le rêve qui se réalise.